Chapitre 17. Gilberte de Luvercy. Le cimetière de Luvercy est situé sur la route de Paris, 500 mètres avant le village, à l'opposé du château. Madame de Prades exprima le désir de s'y arrêter. Gilberte aussitôt l'approuva, regrettant à part soi de n'en avoir pas eu l'idée la première. On fit donc stopper la limousine, et Jean Mareuil accompagna les deux femmes sur la tombe où reposait, près des vieux Laval, père et mère de Guy, la dépouille de sa charmante femme et ses propres restes, ramenés d'Afrique aux frais de l'État. Madame de Prades, après une courte prière, se mit à passer l'inspection du monument dont elle fit le tour. Elle redressa, d'un doigt autoritaire, un crucifix de perles qui penchait, puis elle attendit que sa nièce donnât le signal du départ. Gilberte se recueillait encore. À côté d'elle, Jean Mareuil semblait assez ému de cette visite funèbre, cette première visite aux parents de sa fiancée. Il était un peu pâle et songeait sans doute à ce qu'une telle rencontre eût dû normalement créer de joie et de beaux souvenirs. Et voilà, c'étaient deux morts qu'il accueillait, deux jeunes morts dramatiques dont l'un avait emporté dans l'au-delà le secret du drame de sa fin. En vérité, il était un peu pâle, Jean Mareuil, et Gilberte n'avait pas non plus les joues bien rouges. Mais elle, on devine aisément qu'une plus longue émotion lui serrait le cœur, à la pensée de revoir le château, où le spectre innombrable de l'épouvante l'attendait, embusqué dans tous les coins, toutes les ombres, tous les lieux incertains. Au sortir du cimetière, elle déclara qu'elle irait à pied jusqu'au château. À quoi Madame de Prades consentit avec un sourire réprimé, se doutant bien que sa nièce ne cherchait ainsi qu'à reculer le moment de franchir la grille du parc. Or, il arriva ce que plus d'un psychologue aurait prédit, à savoir que la jeune fille n'éprouva nullement, à Luvercy, le surcroît de frayeur qu'elle redoutait et que Jean Mareuil redoutait pour elle. 5 ans s'étaient écoulés depuis le drame de Luvercy, depuis que Gilberte avait quitté son cher vieux domaine. Entre-temps, l'enfant qu'elle était alors s'était faite jeune fille. Elle avait grandi, son âme transformée enregistrait d'une autre manière ses perceptions. Le château, le parc, qu'elle retrouvait, ne lui semblaient plus les mêmes. Tout lui paraissait réduit, exigu. Les formes perdaient cette ampleur imposante et cette majesté sinistre que sa mémoire, viciée par sa peur maladive, avait comme gonflée. Les rapports proportionnels avaient changé entre elle et Luvercy. Elle y était revenue avec des souvenirs de petite fille, une provision d'images enfantines, et elle s'étonnait, non sans émotion ni tristesse, de l'étrange désillusion, pourtant si salutaire, qu'elle éprouvait. Elle en restait confondue, presque sidérée, comme si, à la place du géant vigoureux qu'elle était venue revoir, elle n'avait plus trouvé qu'un petit vieillard rabougri. Et puis, où étaient toutes les fleurs d'antan? Où les vieux serviteurs? Cet heurtebois, un inconnu. Elle entra dans le grand château comme dans une maison de poupée, et le parc, qui jadis ressemblait à un monde, n'était plus qu'un jardin. Si vive était l'impression que la peur passait au second plan. Elle aussi datait de 5 ans, la peur. Elle aussi était, comme les souvenirs, une chose puérile qui avait survécu à la croissance de Gilberte. Et, elle aussi, venait tout à coup de se rapetisser à la taille voulue et de se proportionner enfin à ses causes. La vipère, diminuée, n'était pas du tout cette menace que Gilberte avait appréhendée, cette multitude de menaces embusquées partout. La vipère était aussi loin d'elle à Luvercy qu'ailleurs, plus loin même peut-être. Un peu de honte lui venait à le constater. Passée la première surprise mélancolique, celle-là qu'on éprouve à retrouver une jolie robe qui vous allait si bien, une robe heureuse qu'on a mise l'été en des jours d'allégresse, mais qui est trop petite maintenant et qui se fane. Gilberte fut saisie d'une grande joie. Elle prit Jean Mareuil par la main et l'entraîna pour lui faire visiter le décor de son enfance. Madame de Prades et Lionel accompagnaient le mouvement, enchantés de cette belle humeur inattendue. Mais Jean Mareuil cachait mal son inquiétude, ou plutôt cet état d'esprit si difficile à définir, dont l'inquiétude n'est qu'un élément entre beaucoup d'autres, et qui vous plonge dans un marasme aussi confus que tenace. « Vous n'êtes guère en train !» lui disait Gilberte. « mais si !» répétait-il sans conviction. Et elle le regardait, mâchoire contractée, bouche ricanante et prunelles obscures. Mais dans le tourbillon de sa jeunesse ravie, elle l'entraînait. On commença par le château. Ils défilèrent à travers les pièces du rez-de-chaussée. Il y avait, dans le fumoir, le salon et la salle à manger, d'assez bons tableaux que Jean Mareuil parut estimer. Et dans la salle de billard, il s'arrêta longuement devant une petite toile accrochée au-dessus d'une console. Il la prit, l'examina au grand jour, avec la loupe d'amateur qu'il portait toujours sur lui. « Est-ce que cela aurait quelque valeur ?» demanda Madame de Praz. « C'est un tableau que j'ai trouvé au grenier et que j'ai mis là quand nous avons quitté Luvercy pour remplacer le maissonnier qui s'y trouvait et que je désirais mettre dans ma chambre à Neuilly. »« Cela n'a pas de prix, tout simplement, » dit Jean Mareuil. « C'est un Manet, une petite étude du modèle qui a posé à l'Olympia. » « Admirable ! Vous avez là une merveille que vous ne soupçonniez pas !» Il raccrocha l'étude, encadrée d'une mauvaise dorure prétentieuse, et se reprit à l'admirer avec un plaisir qui, pour un instant, éloignait ses papillons noirs. Ils revinrent brusquement. Le fumoir, le salon, la salle à manger et la salle de billard, pièces de façade comme la chambre de Madame Laval, communiquaient entre eux. Mais la chambre de Madame Laval, dernière pièce à l'ouest, ne communiquait pas avec la salle de billard attenante. D'autre part, la galerie, dont les fenêtres donnaient sur la cour d'honneur, ouvrait, nous le savons, un dégagement à chacune de ces cinq pièces, très vastes et fort belles. On passa donc dans la galerie, dallée de marbre, et de là, dans la chambre de Madame Laval. Gilberte y entra avec une sorte de déférence craintive. Un retour de phobie lui fit jeter de brefs regards vers le dessous des meubles et se tenait au milieu de la chambre, à l'écart du lit et des sièges garnis de housses qui constituaient de ténébreuses cachettes. « Venez, dit-elle, entrez donc, c'est la chambre de maman. »« Ah !» fit Jean Mareuil d'une voix sans timbre. Mais il restait sur le seuil et se contentait de regarder à distance dans l'intérieur de la chambre. Et Madame de Praz ayant ouvert, à côté, dans l'angle de la galerie, la porte du cabinet de toilette, il se retourna pour regarder de même dans ce nouveau local qui ne paraissait pas lui inspirer autant de respect. Gilberte, d'ailleurs, avait déjà traversé le cabinet de toilette pour entrer dans sa propre chambre, dont l'exiguïté nouvelle, inopinée, lui arrachait des clameurs de stupéfaction. « Si tu désirais te réinstaller au château, lui dit Madame de Praz, tu pourrais prendre la chambre de ta maman. » Gilberte ne fit entendre aucune protestation. « Quel changement !» remarqua Jean Mareuil. « Je n'y comprends rien, avoua Gilberte très gaiement. « On m'aurait dit cela ce matin, me voilà guérie de mes frayeurs. »« Oh, guérie, c'est aller un peu vite. »« Allons, Jean, ne faites pas le mauvais augure, et venez, que nous achevions le tour du propriétaire. » Ils parcoururent ainsi les deux autres étages, sortirent du château, visitèrent l'orangerie et les communs, puis descendirent la pente verdoyante et boisée du parc, en la compagnie du vieil Heurtebois, attentif aux observations de la comtesse de Praz. Alors la destinée, dans son cours, s'accidenta quelque peu et le mystère affleura tout à coup à la surface de la vie. Il cheminait dans une allée au long d'une pelouse quand Gilberte eut l'idée de planter, à quelques pas du banc de pierre qu'elle affectionnait et qui avait connu ses rêveries d'adolescente, un arbre qui fut commémoratif de ses fiançailles et du premier séjour de Jean Mareuil à Luvercy. Tout près de là, un platane immense ombrageait quelques pousses issues de ses graines. Il était facile de transplanter l'une d'elles. On choisit la plus robuste, un bauger, souple comme une cravache, orné de quatre feuilles. mais une bêche était indispensable pour découper le cube de terre où ses jeunes racines se ramifiaient. Lionel dit « Attendez, 3 minutes, je me rappelle où sont les outils. » Et il prit sa course vers le château. Heurtebois lui cria « Dans le pavillon, près du pressoir, monsieur le comte, il y a des bêches et des pioches. »« Je sais, je sais. » « Monsieur le comte a de la mémoire, » admira le vieux régisseur par flatterie. « Hé, dit Gilberte, autrefois nous faisions les jardiniers tous les deux. » « Oh, les belles roses !» s'écria-t-elle. Des roses, il en restait encore, du temps que Madame Laval en avait la passion. De place en place se dressaient d'inextricables buissons délicieusement fleuris et qui embaumaient. On en voyait un, à quelque distance, au milieu de la pelouse. Gilberte le contempla d'abord assez longuement, puis, poussée par l'irrésistible tentation des fleurs, elle s'avança bientôt à travers les herbes, et tandis que Lionel, brandissant la bêche découverte, s'apprêtait à déterrer le platane en bas âge, elle commença de cueillir un bouquet de roses. Madame de Praz l'aidait en cela, et Jean Mareuil assistait, de son côté, Lionel, à qui Heurtebois donnait de timides conseils. Or voici, les deux femmes riaient, toutes à leur gracieuse besogne, quand un cri soudain, un faible cri de douleur s'éleva. Jean Mareuil fut secoué d'un sursaut et se dressa, blême, l'œil dur et braqué. Il vit Gilberte étendue sur le gazon et Madame de Praz bouleversée qui, dans un élan, se penchait sur elle. On laissa le platane. Les trois hommes se précipitèrent, Heurtebois bon dernier. Jean Mareuil, tout frémissant et pâle comme un mort, s'était agenouillé auprès de la jeune fille gisante. L'incompréhension était sur les visages. « Ah, elle s'est piquée !» dit Jean Mareuil, qui avait pris les mains inertes de sa fiancée. « Voyez, elle s'est piquée avec une épine. »« Elle a cru que c'était un serpent, » trouva Lionel. « C'est bien une épine, n'est-ce pas ?»« Aucun doute. » Jean Mareuil donnait les marques d'un profond soulagement. Cependant, Gilberte, évanouie, ne reprenait pas ses sens. Elle dormait du redoutable sommeil de la demi-mort. Sa lividité était cireuse, ses narines pincées faisaient peur. Jean Mareuil s'inquiéta de nouveau, se leva d'un bond, prit sa course à son tour et disparut derrière un bosquet touffu. « Qu'est-ce qu'il a? Où va-t-il » s'exclama Madame de Praz. « Parbleu, » fit Lionel. Mais déjà Jean Mareuil avait reparu. Il revenait en courant, porteur d'une petite cruche pleine d'eau. Gilberte soupira. D'un mouchoir imbibé d'eau fraîche, Jean Mareuil lui tamponna le front et les tempes. Elle ouvrit les yeux. « Là, c'est fini !» disait le sauveteur. Au-dessus de lui, qui s'inclinait vers la résurrection de Gilberte, les regards de Lionel et de sa mère se croisaient, exprimant une égale surprise, traduisant la même pensée. Comment Jean Mareuil pouvait-il savoir que la source se trouvait là, derrière le bosquet, au fond d'une grotte rustique, lui qui, disait-il, n'était jamais venu à Luvercy ? Gilberte ouvrit lentement les yeux, des yeux qui dormaient encore, où d'invisibles paupières semblaient closes sur l'âme. Puis la vie reflua dans les prunelles, aux joues qui se colorèrent. Mais de sourire, point. « Est-ce que je vais mourir ? » murmura-t-elle. « J'ai été piquée. » « Non, » dit doucement Jean Mareuil, « vous vous êtes piquée à une épine du rosier. » Il la souleva. Elle fut assise dans l'herbe et regarda le bout de son pouce où perlait une gouttelette rouge. « Soyez tout à fait tranquille, Gilberte. »« Dieu, que je suis donc sotte ! » soupira-t-elle tout à coup. « Et que j'ai eu peur ! » C'est que, voyez-vous, c'était comme maman, à la même place. Alors, tout à coup, ma peur m'est revenue. Elle se reprenait à sourire. Jean Mareuil se mit debout et il aperçut Madame de Praz et son fils qui le regardaient avec une expression singulière. Immédiatement, son visage changea. On vit qu'il cherchait à comprendre la cause de leur attention. Et, à la même seconde, les ombres d'une noire perplexité s'amassèrent sur son front. Mais, prononça-t-il, comment donc ai-je pu savoir cette source ? Que dites-vous ? Demanda Gilberte. Il ne répondit rien. Un silence régna. Jean Mareuil était parti à la recherche de lui-même. Bon, dit Gilberte en riant, le voilà dans les nuages. Ils bornèrent là leur tour du parc. Le platane fut planté, les roses ramassées, et l'on regagna le château où l'on goûta dans la salle de billard. Madame de Praz et Lionel traitaient Jean Mareuil comme si sa conduite n'avait donné lieu à aucune remarque. Et lui faisait assez bonne contenance, quoiqu'on le sentît gêné et anxieux. « Ah, je suis lasse, lasse !» disait Gilberte. Sa tante lui proposa de se reposer, de coucher à Luvercy, espérant peut-être la décider à s'y installer. Mais Jean Mareuil, cette fois, s'y opposa résolument. « Non, Gilberte, non, vous voyez bien qu'il faut aller doucement, progressivement. Ce n'est pas en un jour que vous vous débarrasserez de votre vieille obsession. Rentrons à Paris. Peu à peu, vous reprendrez l'habitude de Luvercy. » Décidément, riocha Lionel d'un ton sarcastique. « Luvercy vous inquiète bien, mon cher. » Jean Mareuil parut ressentir une commotion. Il baissa les yeux, s'assombrit encore et garda le silence. « Allons, dit Madame de Praz, si nous ne couchons pas ici, c'est l'heure de partir. » On se leva. Avant de sortir de la salle, Jean Mareuil s'approcha du petit tableau de Manet. Son goût de collectionneur l'emportait encore, un instant, sur sa mystérieuse anxiété. « C'est vraiment une merveille, » répéta-t-il. « Je ne m'en doutais pas, » confessa Madame de Praz en mettant ses gants. Lionel et Gilberte s'éloignaient dans la galerie. Jean Mareuil rencontra le regard de Madame de Praz et s'empressa de les rejoindre.